de toi par habitude. J'ai envie de te retrouver enfin, d'avoir ces sensations de parfum. Mon pays, ma sueur, ma passion. Viens à moi, je te reviendrai. Qu'on te redécouvre à nouveau pour explorer tes paysages. Moja istina, ti si dušo naše zemlje, tu kaju.